محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره من أشياء لا يقدر عليها المخلوق، في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك، فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، أما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. فلو أذن الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذه، ويصير إلى أن يأتيه الله برزق له منة، أن يأتي الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ Donc l'auteur rahimahullah, il nous apporte une autre ambiguïté sur laquelle se basent donc les gens qui invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal. Et l'ambiguïté ici, c'est qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que les gens, yawm al-qiyamah, demanderont de l'aide à Adam, à Nuh, à Ibrahim, à Moussa, ensuite à Isa, et chacun d'entre eux s'excusera de ne pouvoir le faire jusqu'à ce qu'ils finissent par venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent, cela veut dire que le fait de demander de l'aide à autre qu'Allah n'est pas de l'association. La réponse, il nous dit, nous leur disons, Subhana man taba'a ala qulubi a'da'i. Il dit, gloire à Allah, donc qui a scellé les cœurs de ses ennemis. Le fait de demander de l'aide à une créature sur ce don, ou bien sur une chose dont il en est capable, nous ne rejetons pas cela. Nanunkiruha. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans l'histoire de Moussa alayhi salam, dans Surat al-Qasas, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Donc l'homme qui était du peuple de Moussa alayhi salam lui a demandé de l'aide contre eux, leur ennemi. Et comme l'homme peut demander de l'aide à ses alliés pendant la guerre ou bien autre chose, tant qu'il en est capable. Il nous dit ce que nous rejetons et blâmons est le fait de demander de l'aide comme adoration, comme ce que font certains auprès de tombes de saints, ou bien pendant leur absence. Ils invoquent une personne alors que cette personne n'est même pas présente, sur des choses que seul Allah tabaraka wa ta'ala peut accomplir. Il nous dit donc, si on comprend tout cela, le fait que les gens demanderont de l'aide au prophète yaoum al-qiyama, ils voudront d'eux qu'ils invoquent Allah azza wa jal, qu'ils jugent les gens, afin que les gens du paradis donc ne subissent plus ce jour terrible. Et il nous dit, cela est permis ici-bas et dans l'au-delà. C'est comme si tu venais à un homme pieux, vivant, assis avec toi, entendant ta parole, et tu lui dis, invoque Allah Azza wa Jal pour moi. Il dit, comme le faisaient les compagnons, radiyallahu anhum, il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cela pendant sa vie. Il nous dit, après sa mort, fahasha wa kalla. Il nous dit, ils n'ont jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa tombe. Il nous dit que les pieux prédécesseurs ont même blâmé ceux qui se dirigeaient vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam spécialement pour faire des invocations. Donc qu'aurait-il pensé d'une personne qui vient et invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Leur deuxième ambiguïté, c'est l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a été jeté dans le feu, Jibril l'a croisé dans les airs et il lui a dit, alaka haja, as-tu besoin de moi? Ibrahim lui a dit, amma ilayka fala, c'est-à-dire besoin de toi, non. Ils disent en se basant sur cette histoire que si le fait de demander à Jibril était une association, Jibril ne lui aurait pas proposé cela. Il nous dit, la réponse est la même réponse que dans l'ambiguïté précédente. Donc Jibril a proposé à Ibrahim de lui être utile d'une chose qu'il pouvait faire. Car Allah Azza wa Jal a décrit Jibril en disant Shadidul Quwa, c'est-à-dire qu'il possède une force immense. C'est-à-dire que si Allah Tabaraka wa Ta'ala avait autorisé à Jibril de prendre le feu dans lequel devait être jeté Ibrahim et tout ce qu'il y a autour comme terre et comme montagne, et qu'il jette tout cela à l'Orient ou à l'Occident, Jibril en aurait été capable. Et si Allah Azza wa Jal lui avait ordonné de prendre Ibrahim alayhi salam et de l'emmener vers un endroit lointain, il l'aurait fait. Et si Allah lui avait ordonné d'élever Ibrahim vers le ciel, il l'aurait fait également. Il nous dit, cet exemple est comparable à un homme riche, possédant beaucoup d'argent, qui verrait un homme dans le besoin et qui lui proposerait de lui prêter de l'argent ou bien de lui donner quelque chose avec laquelle il pourrait subvenir à son besoin. Et cet homme dans le besoin refuse. Il refuse qu'on lui prête et il préfère patienter jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui ramène une subsistance la minnata fihi li ahad. Donc il n'aura donc de redevance à personne. Et il nous dit, donc, فَأَيْنَ هَذَا مِنْ إِسْتِرَاثَةِ الْعِبَادَةِ وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Donc, c'est-à-dire, quel est le lien entre les exemples qu'ils ont cités et le fait de demander de l'aide qui est une adoration, et lorsqu'elle est donc dirigée vers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, cela est une association, لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ, si seulement ils savaient. فَهَذِهِ شُبْهَ ذَكَرَهَا المشركون في زمان الشيخ رحمه الله. فأول ما استدلوا به أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث, والحديث لا إشكال على صحته فهو عند البخاري وغيره, أن يوم القيامة الله عز وجل يبعث الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم عراة حفاة غرلا وتدنو منهم الشمس في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهم في كرب شديد. بعد تأمل يقول الناس لماذا لا نستشفع بأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، عسى الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا ما نحن فيه من الشدة والكرب. فأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلون، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيستشفعون به، يطلبون منه أن يشفع عند الله تبارك وتعالى حتى يعجل لهم القضاء وأن يعجل لهم الحساب. فيعتذر آدم عليه السلام ويقول أنه ارتكب خطأ في الجنة، ثم يستشفعون بنوح عليه السلام، وثم يستشفعون بموسى، ثم يستشفعون بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمده بمحامد لم يكن يعرفها صلى الله عليه وسلم، ويطيل السجود تحت عرش الرحمن حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الحديث بخلاصة باختصار. فهم يقولون أن الناس في هذا الموقف يستغيثون بالأنبياء والرسل، لأنهم يسألون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم عيسى ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم السلام. فالمؤلف رحمه الله يرد على هذه الشبهة، وإن كان في الحقيقة لا علاقة بما يفعلونه وبما استدلوا به. نرد على هذه الشبهة بأربع خطوات. أولا نقول أن في هذا الحديث نفهم أن الإنسان يستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه، وهو حي قادر يسمعك، وهذا جائز لا إشكال فيه. Donc ici l'auteur il nous a cité une nouvelle ambiguïté ou bien plutôt certaines preuves sur lesquelles se sont basées les associateurs à son époque pour autoriser le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses sur lesquelles ils se sont basés, c'est le hadith rapporté dans le Bukhari et autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que yawm al-qiyama Allah azza wa jal va ressusciter tous les hommes du premier jusqu'au dernier fi ardin bayda'a naqiyya, sur une terre blanche et propre, la ma'lama fiha, il n'y aura aucun signe, il n'y aura ni montagne ni rien, juste de la terre, rien d'autre. Et ces gens-là seront nus, donc les gens seront nus, nu-pieds et non circoncis. Et dans un jour très long, كان مقداره 50,000 سنة, un jour de 50,000 ans. Et donc, c'est ce jour-là justement où les gens, certaines personnes seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Et le soleil donc sera très proche de la tête des hommes. Donc le prophète sallam nous dit بقدر ميل أو ميلين, donc un mille ou bien deux mille. Certains disent que c'est le mille, la distance connue. D'autres que disent le mille هو القلم الذي يكتحل به الإنسان. Donc également l'espèce de bout de bois avec lequel la personne met dans le mikhala pour prendre du kohol, ça s'appelle également le mille. Donc quoi qu'il arrive, le soleil sera très proche de la tête des gens, donc ils seront en train de suer. Et donc les croyants diront pourquoi ne pas demander aux êtres les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils intercèdent auprès de lui afin qu'ils nous juge le plus rapidement possible afin que ce jour terrible prenne fin. Donc, ils seront dans un jour terrible sans penser que pour ceux qui seront en enfer, cela sera encore pire. Donc, ils se rendront vers Adam alayhi salam, ensuite vers Nour alayhi salam, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa. Et chacun d'entre eux refusera de faire cela. Et tous, sauf Isa, citera qu'ils ont fait une erreur ici-bas. Et donc, qu'ils ne peuvent pas intercéder. Jusqu'à ce qu'ils finissent par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dira « Analaha, analaha ». C'est-à-dire, cette intercession, elle est pour moi. C'est ce que l'on appelle « Al-Shafa'atul Uzma » ou bien « Maqam al-Mahmoud ». Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternera sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et le louera de louanges qu'il ne connaissait pas pendant sa vie. Il restera très longtemps prosterné jusqu'à ce qu'il lui soit dit « Ô Mohammed, relève ta tête, parle, tu seras entendu ». Demande, il te sera donné ce que tu demandes. Washfa' tu shafa', c'est-à-dire intercède, ton intercession sera acceptée. Et donc, c'est à ce moment-là que Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu li fasl al-qada', il descendra pour donc juger les gens. Donc, il se base sur ce hadith pour dire qu'il est permis donc de demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils le font auprès des tombes, des mausolées ou autres. Donc premièrement, ce hadith ne fait que nous montrer qu'il est permis de demander à une créature présente, car les prophètes seront vivants. Donc en fait, tu auras en face de toi une personne à qui tu demandes ce dont il est capable. Et cela, personne ne rejette le fait que cela soit permis. Donc ce sur quoi ils se sont basés est hors sujet avec ce qu'ils font eux-mêmes. Hors sujet avec ce qu'ils font eux-mêmes. Car donc eux, ils se dirigent vers des gens qui sont décédés et ils leur demandent des choses donc, qu'ils ne sont pas capables de faire, ou bien même parfois ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah, donc tout cela est de l'association comme nous avons pu voir dans des cours passés. Al-khutwatu thaniya naqul annakum tas'aluna al-anbiya aw tas'aluna al-awliya fima la yaqdiruna alayhi wa hum amwat. Donc le deuxième réponse, c'est de leur dire que vous invoquez l'Aouliya sur des choses dont ils ne sont pas capables de faire et en plus ils sont morts. En plus ces gens-là sont morts. Donc ça n'a rien à voir avec ce sur quoi vous vous êtes passé. Car la personne après sa mort ne peut plus accomplir aucune œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Idha mat al-insanu » إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Donc toi, lorsque tu lui demandes d'intercéder auprès d'Allah, lorsque tu lui demandes, parfois certains demandent même des enfants auprès de personnes décédées, cela est de l'association sans aucun doute. الرد الثالث أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. ذكر ذلك المؤلف فاستشهد بقصة موسى في سورة القصص فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. Donc la troisième chose, c'est que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a cité qu'un homme a demandé de l'aide à Moussa en employant le mot istiratha. L'istiratha, c'est talab al-ghouth. C'est demander de l'aide lorsque, dans une situation très difficile. Talab al-ghouth. Et que cet homme donc a demandé de l'aide à Moussa, car il faisait partie du même peuple que lui, contre al-adou, c'est-à-dire israéli, contre un homme parmi les Égyptiens. Donc, ce qui prouve qu'il est permis de demander donc de l'aide à une personne vivante, donc de lui demander ce dont elle est capable. Raddu Rabi' ذكر المؤلف أن ذلك جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له أدعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته أما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح أن على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه. Donc la quatrième chose, c'est que c'est la même chose que lorsque tu te rends vers une personne pieuse et que tu lui demandes d'invoquer une personne pieuse vivante présente avec toi dans la même assise, t'entendant, et à qui tu dis ud'u Allah li. Il nous dit comme le faisait les compagnons radiyallahu anhum, ils demandaient cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lam yakun as-sahaba kulluhum yas'aluna dhalika min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bal ani waqa dhalika min ba'dihim faqat. Donc il dit c'est comme lorsque certains compagnons se rendaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'invoquer Allah pour eux pendant sa vie. Amma ba'da mawtihi fa hasha wa kalla annahum sa'aluhu dhalika 'inda qabri. Et après sa mort, personne n'est parti lui demander cela auprès de sa tombe. As-sahaba radiyallahu anhum kama huwa mazkur fi al-Bukhari annahum yahtaju ila al-matar. Qalla al-mataru fi zamanihim fa fi zamani Umar فذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنا كنا نستغيث أو نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فنستغيث بعد موته بعمه فجاء العباس بن عبد المطلب فرفع يديه وطلب من الله تبارك وتعالى أن ينزل المطر فأنزل الله تبارك وتعالى مطر واستجاب دعاء العباس رضي الله عنه. الشاهد أنهم ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم المطر، بل ذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء طلب الدعاء يكون من رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك. Donc les compagnons radiyallahu anhum à l'époque de Omar radiyallahu anhum, ils ont eu besoin de pluie. Donc la pluie a manqué à son époque. Et ils ont voulu donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse descendre la pluie. Et ils ne se sont pas rendus vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse descendre la pluie. Non, ils sont partis voir Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont dit: pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous demandions à Allah par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il fasse descendre la pluie. C'est-à-dire, il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah de faire descendre la pluie. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons la même chose avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, El Abbès. Avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, El Abbès. يقول بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه. كان السلف رحمهم الله ينكرون على من ذهب إلى جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتقصد الدعاء في هذا المكان، كأنه يعتقد أن هذا المكان أفضل من غيره للدعاء. أنكر السلف ذلك كما ثبت في مسند ابن أبي شيبة أو المصنف ابن أبي شيبة ومسند أبي يعلى بسند حسن أن علي ابن الحسين والعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فدعاه فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم. Donc les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ils ont même blâmé ceux qui se rendaient vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer Allah. C'est-à-dire en pensant que cet endroit était meilleur qu'un autre pour faire des invocations. Donc la personne sort de chez elle et se rend précisément vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire des invocations en pensant que cet endroit est meilleur qu'un autre pour invoquer. Les pieux prédécesseurs ont blâmé cela, comme l'a fait Ali ibn al-Hussein ibn Abi Talib. Un jour, il a vu un homme qui venait à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait un petit espace fourja à l'endroit où il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme venait à cet endroit-là, cet petit espace, et il rentrait dedans. Et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn al-Hussein ibn Abi Talib l'a appelé et lui a dit « Veux-tu que je te récite un hadith que j'ai entendu de mon père, de mon grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Il lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tattakhidhu qabri aidan » « Ne prenez pas ma tombe comme aid » c'est-à-dire un endroit où on revient constamment. « Ne prenez pas ma tombe comme un endroit » où on revient constamment. Voilà buyutakum qubura, et ne prenez pas vos demeures comme des cimetières, c'est-à-dire la personne chez elle ne prie pas, ne fait pas de zikr, ne lit pas le Coran. Donc si la personne fait cela, c'est comme si elle avait rendu sa maison telle un cimetière. Wasallu alayya, et priez sur moi, car vos prières et vos salutations me parviennent haythuma kuntum, où que vous soyez dans le monde. Waliyada min al-khata man يذهب إلى من سيسافر قريبا إلى العمرة والحج ويقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ لأن لو سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه وسلمت عليه من هنا فإن صلاتك وتسليمك تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت هنا في كري هذا خطأ إنسان يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت سلم عليه. Donc également l'erreur, parmi les erreurs que les gens font, certains ils vont voir les pèlerins ou ceux qui vont aller en Umrah et lui dit passe le salam au prophète, passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il nous dit que vos prières et vos salutations me parviennent où que vous soyez. Donc la personne peut prier et saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam où qu'elle soit dans le monde. Thumma استدل هؤلاء المشركون بقصة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام أنه لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا وهذه القصة تكون بلفظ إن إبراهيم عليه السلام قال حين أوثقوه ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الحمد لا شريك لك ثم رموا به في المنجنيق إلى النار فاستقبله جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة قال أما إليك فلا قال جبريل فسل ربك قال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي. Donc la deuxième preuve qu'ils ont apportée, c'est une histoire donc de Ibrahim alayhi salam. Lorsque donc il a été jeté dans le feu, comme cela est cité dans surat Al-Anbiya, Jibril l'a croisé dans les airs. Et il lui a dit, as-tu besoin de quelque chose? Ibrahim lui a dit, amma ilayka fala. Donc besoin de toi, non. Le texte entier est dit que il dit que Ibrahim alayhi salam, lorsque donc il a été attaché afin d'être jeté dans le feu, il a dit la ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin lakal hamdu wa lakal hamd la sharika lak. Ensuite ils l'ont mis dans une catapulte, ils l'ont mis dans une catapulte pour le jeter dans le feu. Et donc c'est pour ça que Jibril, il l'a croisé dans les airs. Et il lui a dit, oh Ibrahim, alaka haja, as-tu un besoin? Il lui a dit, amma ilayka fala, besoin de toi? Non. Jibril lui a alors dit, fasal rabbak, demande alors à ton Seigneur. Ibrahim lui a dit, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Il a dit, il me suffit comme demande à Allah qu'il sache ma situation. الجواب عن هذا على ما استدلوا به أن هذه القصة لا تثبت يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة يقول وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل سل قال حسبي من سؤالي علمه بحالي ليس له إسناد معروف وهو باطل بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فيقول أن هذه القصة يعني لا تصح عن إبراهيم عليه السلام. Donc premièrement, cette histoire n'est pas authentique. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Al-Tawassul wal-Wasila, il nous dit que ce qui est rapporté que Ibrahim, lorsqu'il a été jeté par la catapulte, Jibril lui a dit, celle demande, il lui a dit, Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Il me suffit comme question ou comme demande qu'il sache ma situation. Il nous dit, Laysa lahu isnadun ma'ruf. Ce hadith n'a pas de chaîne de transmission connue. وَهُوَ بَاطِلٌ. Donc c'est une histoire fausse. Parce que ce qui est cité dans As-Sahih, selon Ibn Abbas, c'est que Ibrahim a dit lorsqu'il a été jeté dans le feu, حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Allah me suffit et il est mon seul allié. Et Ibn Abbas a dit que Ibrahim a dit cela lorsqu'il a été jeté dans le feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit également lorsque les gens se sont rassemblés pour le combattre. ولكن على فرض ثبوت هذه القصة فإنها من جنس ما استدل به في شبهتهم الأولى في قصة استغاثة الناس بالأنبياء. فإن جبريل عليه السلام عرض له أن يعينه فيما يقدر عليه. فالله عز وجل وصف جبريل بأنه شديد القوى فكان باستطاعة جبريل أن يرمي بإبراهيم إلى مكان بعيد أو أن يأخذ النار التي سيلقى فيها وأن يرميها إلى مكان بعيد كل ذلك يقدر عليه جبريل بإذن من الله تبارك وتعالى. Donc également, même si on admettait que cette histoire est authentique, ce qu'il faut savoir, c'est que Jibril a proposé à Ibrahim ce dont il est capable. Allah Azza wa Jal, il a décrit Jibril en disant « Allamahu shadidul quwa ». Shadidul quwa, c'est-à-dire qu'il possède une force immense. C'est-à-dire que Jibril, il a proposé à Ibrahim donc de le sauver de cette situation, soit de l'envoyer à un endroit éloigné, soit de jeter le feu dans lequel il allait être jeté. Tout cela, Jibril alayhi salam en est capable. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que ces gens font d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer des personnes décédées sur des choses qu'ils ne peuvent pas

voilà, entêté et têtu. Que Fir'aun wa Iblis. Car donc ces deux personnes connaissaient le tawhid mais ne l'ont pas mis en pratique. Et ceux qui sont semblables à ces deux personnes. Et il nous dit que sur ce sujet, beaucoup de gens font l'erreur. Ils disent hadha haqq, c'est-à-dire que le tawhid est la vérité. Nous comprenons cela, nous témoignons de cela, mais nous ne pouvons le mettre en application. Wala yajuzu 'inda ahli baladina, c'est-à-dire que là où nous habitons, nous ne pouvons pas mettre cela en pratique. C'est-à-dire nous faisons comme eux. Il cite cela comme excuse. Et ce pauvre homme ne sait pas que la plupart des chefs de la mécréance connaissent la vérité. Et malgré cela, ils sont restés sur leur religion pour certains motifs, certaines excuses. Alors, mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas accepté ces motifs. Allah dit ishtaraw bi ayati Allahi thamanan qalila. Ils ont acheté en échange des versets d'Allah des prix très très bas. Ishtaraw bi ayati Allahi thamanan qalila. Et dans d'autres versets, cela est également cité. Également, Allah dit en parlant des Juifs, yarifunahu kama yarifuna abna'ahum. C'est-à-dire qu'ils connaissaient le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants. Donc ils savaient que cela c'était la vérité, mais ils sont restés sur leur religion. Il nous dit ensuite que si cette personne met en pratique at-tawhid de manière apparente, mais qu'en même temps cette personne ne comprend pas at-tawhid, ou bien n'y croit pas avec son cœur, fahuwa munafiq. Il est alors hypocrite. Donc la personne qui montre l'islam et à l'intérieur possède de la mécréance est alors hypocrite. Wa huwa sharrun min al-kafir al-khalis. Et il nous dit qu'il est pire que le mécréant pur. Allah dit dans le Coran, inna al-munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer. Et il nous dit que ce sujet est un sujet énorme et très long. Et tu pourras également le constater en observant ce que disent les gens à ce sujet. Il nous dit que tu verras des gens qui connaissent la vérité, mais qui délaissent sa mise en pratique par crainte de perdre des biens de ce bas monde, ou bien de perdre de leur rang dans la société, ou bien pour mudaratan li ahad, c'est-à-dire pour, comment il traduit ça? Voilà, pour faire plaisir aux autres. Le mudarat, c'est pour faire plaisir aux autres. Il nous dit également, tu verras d'autres personnes qui mettent cela en pratique extérieurement, mais pas intérieurement. Et si tu lui demandes qu'est-ce qu'il croit, donc à l'intérieur de son cœur, il nous dit, فَهُوَ لَا يَعْرِفُ. Il ne connaît même pas ce à quoi il croit. Et il nous dit, pour comprendre ce sujet, il faut que tu comprennes deux versets du Coran. Le premier, celui qui a été cité précédemment, Allah dit la tartadelo qad kafartum bada imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Il dit, si tu comprends que certains compagnons qui ont combattu les Romains avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mécru à cause d'une parole qu'ils ont prononcée pour jouer et plaisanter. Tu comprendras que celui qui prononce une parole de mécréance ou bien la met en pratique par crainte de perdre des richesses ou bien un rang ou bien pour faire plaisir à un autre est pire que celui qui prononce cette parole pour plaisanter. Le deuxième verset, Allah dit dans le Coran, dans Surat An-Nahl, celui qui mécroit en Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui a été contraint et son cœur est apaisé par la foi. Mais celui dont la mécréance rentrera dans sa poitrine méritera la colère d'Allah et un châtiment énorme. Cela parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas sur l'au-delà. Allah n'a excusé que celui qui est contraint. On va expliquer ce qu'on veut dire par contrainte. celui qui est contraint tout en possédant un cœur apaisé par la foi. Mais tout autre donc, qui prononce ou bien qui fait un acte de mécréance ou bien le prononce, que ce soit par crainte ou bien pour faire plaisir à un autre ou bien pour amour pour son pays ou bien pour sa famille ou bien pour sa tribu ou bien pour ses richesses, qu'il fasse cela pour plaisanter ou bien pour autre, cela n'est pas excusé, sauf celui qui est contraint. Le verset que nous avons cité prouve cela de deux manières. Le premier, illa man ukri. Donc, sauf celui qui est contraint, Allah Azza wa Jal n'a donné comme exception que la contrainte. Et il est connu que la personne ne peut être contrainte que de prononcer une parole ou bien de faire un acte. On ne peut pas te contraindre sur une chose que tu as dans ton cœur. Même si je te torture, je ne peux pas te contraindre à mécroire à l'intérieur. Je peux t'obliger à prononcer une parole de mécréance ou bien par exemple de faire un acte de mécréance comme se prosterner devant une statuette ou autre, mais je ne peux pas te contraindre à mécroire dans ton intérieur. La deuxième chose, Allah a dit dans le Coran, à la suite de ce verset, « ذَلِكَ بِأَنَّ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا عَلَى الْأَخِرَةِ » Cela est parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Donc il nous dit que cette mécréance et ce châtiment n'a pas eu lieu بِسَبَبِ الْاَتِقَادِ par leur croyance, ou bien par l'ignorance, ou bien par un dégoût de la religion, ou bien pour un amour de la mécréance. Non, ils ont fait cet acte-là car ils avaient peur de perdre un bien parmi les biens de ce bas monde et ils ont préféré cela à la religion. Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Et prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses proches. Amin. Adawa khitamu hadha al-kitab. إن شاء الله تبارك وتعالى فالمؤلف رحمه الله في هذه الخاتمة ركز على موضوع هو في غاية الأهمية وهو حكم ترك العمل بالتوحيد حكم ترك العمل بالتوحيد Donc l'auteur ici va nous parler du statut de celui qui ne met pas en application التوحيد. Et il va citer, comme on a pu lire, certains motifs, certaines excuses pour lesquelles les gens ne mettent pas cela en pratique, en application. Et il va nous citer également que la seule personne qui est excusée est la personne qui est contrainte. فالإنسان قد يعذر بما يقوله بلسانه تحت الإكراه فلا. Donc comme on a dit, la personne peut être excusée pour une chose qu'elle prononce si elle est contrainte ou bien un acte, mais en tout cas elle ne peut pas être excusée pour la croyance, pour les choses qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que Allah a dit dans le Coran, ولكن من شرح بالكفر صدرا. Donc celui dont la mécréance rentrera dans le cœur, فعليهم غضب من الله وعذاب عظيم. والمؤلف رحمه الله ذكر ذلك في كثير من كتبه ركز على هذه المسألة تركيزا كبيرا وكذلك فعله يعني تلامذته من أئمة الدعوة. Donc l'auteur رحمه الله dans de nombreux ouvrages à lui il a insisté sur ce point. Donc le statut des gens qui délaissent le tawhid, qui délaisse le fait de mettre en application At-Tawhid, donc dans de nombreux ouvrages à lui, et également ses élèves, les gens de sa descendance, que l'on appelle A'immat Ad-Dawati Al-Najdiya. Également, ils ont cité cela dans de nombreux ouvrages à eux. أول ما قاله المؤلف رحمه الله هو الإجماع عند أهل السنة والجماعة على أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. هذا إجماع من يعني أهل السنة والجماعة على أن التوحيد والإيمان مركب من ثلاثة أشياء من عمل القلب واللسان والجوارح، وإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، لم يكن الرجل مسلما. مثلا من ترك عمل القلب يعني لا توحيد في قلبه فلا يكون مسلما، كذلك من ترك عمل اللسان فلا ينطق بالشهادة لا يكون مسلما، وكذلك من ترك العمل بالتوحيد لا يكون مسلما، وهذا بإجماع العلماء. يعني نقل الإجماع على أن من ترك شيئا من ذلك لا يكون مسلما الإمام الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. Donc la première chose qu'a cité l'auteur, c'est le fait que At-Tawhid est constitué de trois choses. Donc At-Tawhid dans le cœur, sur la langue et dans les actes. C'est pareil que Al-Iman. C'est pareil que Al-Iman. Et il nous dit que si une de ces trois choses n'est pas présente, la personne ne peut pas être musulmane. Et cela sans divergence chez les gens de la Sunna. Rapporte ce consensus l'imam al-Shafi'i rahimahullah, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim et beaucoup d'autres. لأن من الفرق التي ظهروا في تاريخ الإسلام من كان لا يدخل العمل في الإيمان، يقول أن الإنسان بمجرد أنه يصدق أن لا إله إلا الله، أن لا وجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، فيكون لذلك الإنسان مسلما كامل الإيمان. ومن هؤلاء المرجئة، يسمون بالمرجئة، والمرجئة سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، والإرجاء والتأخير، كما قال الله سبحانه وتعالى أرجيه وأخاه، يعني أخروه وأخاه. هم قالوا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، أما أهل السنة والجماعة قالوا أن الإيمان مكون من الإيمان بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، فلا بد من وجود هذه الأشياء الثلاثة. كذلك الأوتور pourquoi il insiste sur cela, car il y a parmi les groupes qui sont apparus à travers l'islam des gens qui ont fait sortir les actes de la foi en disant que la personne, à partir du moment où elle reconnaît qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, parce que eux-mêmes pour la ilaha illallah ils ne disent pas nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, ils disent que la ilaha mujud, il n'y a pas de divinité présente en dehors d'Allah. À partir de ce moment-là, la personne est musulmane, qu'elle fasse des actes ou pas. Donc les actes ne font pas augmenter la foi et les péchés ne font pas diminuer la foi. Pour eux, la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Ces gens-là, ils sont appelés al-murji'a. Ils sont appelés al-murji'a. Pour eux, les actes ne rentrent pas dans la foi. Mais chez les gens de la sunna ou al-jama'a, les actes rentrent dans la foi sans divergence chez eux. Donc il y a de nombreux hadiths, de nombreuses preuves dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il a appelé la prière iman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, en parlant de la prière que les gens avaient fait en direction de Bayt al-Maqdis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-iman bid'atun wa sittuna shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq, ce qui prouve que les actes font partie de la foi. Donc sans divergence chez les gens de la sunna, et que ceux qui font sortir les actes de la foi sont al-murji'a. Fa qala al-mu'allif an at-tawhid la budda an yakuna bil-qalb wal-lisan wa al-'amal. توحيد القلب وهو أهم الأقسام وأعظمها، فلا يسقط أبدا ولا يتصور حتى مع الإكراه، وتوحيد القلب هو العلم والتصديق والإقرار. هذا قول القلب. وعمل القلب هو المحبة والخوف والتوكل والخشية والرهبة والانقياد، كل ما يتم في قلب المؤمن. هذا هو توحيد القلب، يعني مكون من قول القلب ومن عمل القلب، وهذا كما قلنا لا يسقط أبدا ولا يتصور فيه حتى مع الإكراه. Donc la première chose, donc l'auteur il nous dit que tawhid il est dans le cœur, sur la langue et dans les actes. Donc premier tawhid al-qalb, tawhid du cœur, il comporte deux choses. Qawl al-qalb wa amal al-qalb. Donc qawl al-qalb c'est la parole du cœur, c'est-à-dire le fait que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu approuves l'islam. Donc ça c'est ce que l'on appelle qawl al-qalb. عمل القلب ce sont tous les actes du cœur, comme l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, le fait de s'en remettre à Allah, le fait d'accepter l'islam, le fait d'être sincère, le fait de détester le shirk, toutes ces choses-là. Donc c'est des choses qui sont des actes du cœur, et le tawhid dans le cœur ne peut disparaître même sous la contrainte, même sous la contrainte. Donc, comme on va citer cela dans quelques minutes, même sous la contrainte, tawhid al-qalb ne peut pas disparaître. Athani tawhid al-lisan. Tawhid al-lisan huwa qawlu la ilaha illallah. Wa fi tawhid al-lisan yutasawwaru al-ikrah. كأن يكره الإنسان مثلا على سب الله تبارك وتعالى أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc ensuite nous avons tawhid de la langue. Donc c'est le fait de dire la ilaha illallah, et cela est obligatoire. Et nul ne peut être excusé sauf celui qui est contraint, comme on va le voir à la fin de ce chapitre. Donc ici, sous la contrainte, on peut s'imaginer qu'une personne sous la contrainte soit amenée à insulter Allah Azza wa Jal, à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était comme cela est arrivé à certains compagnons. الثالث توحيد الجوارح وهو العمل بلا إله إلا الله وكل العبادات التي تكون لله تبارك وتعالى كالذبح والصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك. Donc également le dernier c'est التوحيد الجوارح. Donc c'est le توحيد des membres du corps. Donc ça c'est la mise en pratique de la ilaha illallah, le fait d'adorer Allah avec notre corps, comme la prière, le sacrifice, le jeûne, le pèlerinage, dans tous ces actes, l'invocation, tous ces actes sont des actes du tawhid faits avec les membres du corps. Également, on peut s'imaginer ici qu'une personne sous la contrainte soit obligée de faire cela pour autre qu'Allah, ou bien de faire une chose qui fait sortir de l'islam. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الناس باعتبار هذه الأركان الثلاثة، يعني توحيد القلب واللسان والعمل. فقال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. Donc ensuite il nous a cité les catégories de personnes face à ces trois piliers du tawhid. Donc le tawhid al-qalb wal-lisan wa al-amal. Il nous dit premièrement celui qui connaît le tawhid mais qui refuse de le mettre en pratique. Il nous dit que cette personne est kafirun mu'anid, c'est-à-dire mécréant et têtu. Comme Pharaon, donc Pharaon connaissait التوحيد connaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Et Iblis, يعني كان أقسم بالله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Donc celui qui connaît le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais refuse de mettre cela en pratique, est mécréant et donc entêté comme Pharaon et Iblis. ثم يقول أن في هذا يغلط فيه كثير من الناس. يعني من الناس من يقول أن التوحيد حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. Donc il nous dit ici que certaines personnes donc font une énorme erreur, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas at-tawhid en pratique, mais malgré cela ils reconnaissent que cela est la vérité et qu'ils comprennent cela et ils attestent cela, mais il nous dit qu'ils ne peuvent pas mettre cela en pratique, donc sans contrainte bien sûr, car ils disent que là où ils habitent n'est accepté que celui donc qui fait comme eux, c'est-à-dire ne met pas en application at-tawhid, il met en application ash-shirk. Donc il dit que cela n'est pas une excuse. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, il vivait au milieu des associateurs, mais dès que l'islam lui est arrivé, il a mis cela en application. Il a mis cela en application devant eux, sans dire que n'était accepté auprès d'eux qu'une personne qui ne met en pratique que le shirk. Et il nous dit également que c'est le cas de la majeure partie des immat al-kufr, des imams de la mécréance. Ils connaissent la vérité, mais délaissent la vérité à cause de certaines excuses de ce type. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Même l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, reconnaissait que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la vérité, mais il craignait des blâmes de son peuple et des insultes de son peuple. C'est la seule chose qui l'a empêché de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de lui un musulman. Donc la personne qui reconnaît que l'islam est la vérité mais ne la met pas en pratique par crainte de son peuple n'est pas considéré comme musulman. يقول فيما معناه لقد علمت أن دين محمد من أقوم الأديان دينا ولولا خوف أني ملامة أو مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. معناه أنه لولا أنه يخاف من قومه الملامة أو المسبة لَتَبِعَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc dans les deux vers que nous venons de citer, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que la religion avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la religion la plus droite. Et s'il n'avait pas craint des insultes ou des blâmes de son peuple, il aurait suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'Abbas lui a dit « أَنَفَعْتَ عَمَّكَ بِشَيْءٍ إِنَوْ كَانَ يُدَافِعُ عَنْكَ » قال نعم ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار وهو الان في ضحضاح من نار وفي ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار وفي روايه له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. Donc l'oncle du prophète sallam donc était mécréant et est mort mécréant, et l'Abbas est venu le voir et lui a dit: « Ô Mohammed, as-tu été utile pour ton oncle alors qu'il te défendait, etc. etc. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Il est dans une flaque de feu et sans moi il serait au plus bas degré de l'enfer. » Et dans une autre version, il dit que il a deux sandales de feu donc qu'il porte à ses pieds, et son cerveau est en ébullition. Donc, ce qui prouve qu'il fera partie des habitants de l'enfer, malgré qu'il reconnaissait que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était, et sa religion était la meilleure des religions. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. والقسم الثالث من عمل التوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده. Celui qui met en application le tawhid. Donc lorsque tu le vois, il n'associe rien à Allah. Mais au fond de lui, il ne comprend pas le tawhid ou bien il n'y croit pas. Il dit celui-ci est un hypocrite et il est pire que les mécréants. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid daraki al-asfali min an-nar. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الإكراه. مسألة الإكراه. Donc l'ikra, on peut traduire ça par la contrainte. أو قبل ذلك المؤلف رحمه الله استدل على بطلان هذه الأعذار. مثلا من يقول أني يخاف أن يعمل بالتوحيد لأنه يخاف أن ينقص ماله أو جاهه أو يفعل ذلك مداراة لأحد. Donc il nous dit que certaines personnes donc ne mettent pas en application le tawhid, l'islam, car ils ont peur que leur richesse diminue. Donc ils ont peur qu'une personne, par exemple, qui leur donne des richesses, s'il sait qu'il est musulman mouahid, il va lui couper sa subsistance ou bien son salaire. Donc il refuse de mettre en application le tawhid et continue à mettre en application le shirk. Ou bien son poste. Donc il continue à mettre en application le shirk et délaisser le tawhid car il a peur de cela. Ou bien il fait cela pour faire plaisir à un autre. Pour faire plaisir à un autre, il prononce des paroles de kufr ou bien fait des actes de mécréance et refuse de mettre en application le tawhid. المؤلف رحمه الله أبطل هذه الأعذار بآية سورة التوبة في قصة الذين سخروا بالصحابة رضي الله عنهم عند عودتهم من غزوة تبوك. فقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبنا عند اللقاء. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له أحد الصحابة نسيت إثمه إنك كاذب لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قاله هذا الرجل وقد سبقه الوحي وأنزل الله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول إن كان هؤلاء غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكلموا بهذا الكلام على وجه اللعب والمزاح لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب فمن يفعل ذلك خوفا على دنياه أو خوفا على جاهه أو مدارة لأحد يستحق أكثر أن يوصف بالكفر. Donc l'auteur rahimahullah il a cité pour rendre nul les excuses de certains que certains compagnons qui ont fait la bataille de Tabouk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au retour, certains d'entre eux se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons pour plaisanter. Certains d'entre eux ont dit, nous n'avons jamais vu des combattants semblables à nos lecteurs, al-qurra, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Arghaba butunan, c'est-à-dire des gens qui ne pensent qu'à manger. Wa akdhaba al-sunan, des gens qui mentent. Wa la ajbana 'inda al-liqa, des gens qui sont lâches lors de la rencontre avec l'ennemi. En entendant cela, un compagnon leur a dit, ou bien a dit à la personne qui a prononcé ces paroles, « Innaka kadhib, tu mens. Je vais informer le prophète sallam de ce que tu as dit. » L'homme est parti vers le prophète sallam pour l'informer et la révélation était déjà descendue sur le prophète sallam. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. » C'est-à-dire, vous moquez-vous d'Allah, de ses signes et de son prophète. « La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. » Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc ces gens-là, ils ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a cité ces versets, ils ont dit « Innama kunna nakhudu wa nalab. » Nous ne faisions que plaisanter. Nous ne faisions que plaisanter. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de leur répéter ces versets. « Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. » Donc si ces gens-là qui ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prononcé ces paroles pour plaisanter et s'amuser. Et Allah Azzawajal a statué sur eux qu'ils étaient mécréants après avoir eu la foi. Donc celui qui commet une mécréance par crainte de voir son argent diminuer, de voir son poste disparaître, ou bien pour faire plaisir à un autre, mérite plus que ces personnes d'être décrits comme mécréants. ثم ذكر آية سورة النحل التي فيها ذكر الإكراه قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Donc celui qui mécroit en Allah après avoir cru, sauf celui qui est contraint et dont le cœur est apaisé par la foi, mais celui donc dont la mécréance rentrera dans sa poitrine, il méritera la colère d'Allah et un châtiment énorme. Al-ikra wa al-ilja wa an yuhaddidaka ahadun bi fi'li ma yasu'uk. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah dhakara shurutan lil-ikra. Ana min an-nas man yusammi ba'd at-tahdidat ikrahan ولكن ليست إكراها في ميزان الشرع. فالشرط الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. ثانيا أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. ثالثا أن يكون ما هدد به أو هدد به فوريا فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها ويستثنى ما إذا ذكر زمانا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. رابعا أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. Donc l'auteur ici, il nous cite donc la contrainte. Beaucoup de gens, ils parlent de contrainte alors qu'en réalité, cela n'est pas une contrainte. Donc, Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans Al-Fath, il a cité des conditions à la contrainte, dans une chose que l'on peut appeler une contrainte. Donc, premièrement, il faut que la personne qui menace, donc la personne contrainte, soit capable de mettre en application ses menaces. Et il faut également que la personne contrainte soit incapable de se défendre, même de prendre la fuite. Ça, c'est la première condition. Si tu peux prendre la fuite, c'est la yajuz laka an taf'ala ma ukrihta alayh. Tu n'as pas le droit de mettre en pratique ce dont on te demande de faire. Deuxièmement, il faut que tu sois convaincu ou presque sûr que si tu refuses, il va mettre cela en application. D'accord ? Donc tu dis, si je refuse, il va donc mettre en application ce dont il me menace. Troisièmement, il faut que la menace soit maintenant. C'est-à-dire, s'il te dit, Si tu n'insultes pas l'islam, dans une semaine, je vais te frapper. Tu n'as pas le droit d'insulter maintenant l'islam. Il faut que ce soit maintenant. Quatrièmement, il ne faut pas que la personne qui a été menacée montre qu'elle fait cela de libre choix. Donc il faut vraiment que tu montres que tu fais cela sous la contrainte. Que tu fais cela pour la contrainte. Donc voilà les conditions qu'a cité Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah. فمثلا من هددك بالقتل مثلا إن عملت بالتوحيد قتلتك إن عملت بالتوحيد قتلتك أو مثلا إن عملت بالتوحيد ضربتك ولكن يجب أن يكون الضرب يعني شديدا فالضرب اليسير لا يعتبر يعني تهديدا لإنسان يستطيع أن يتحمله. Donc par exemple la menace de mort, si tu mets en application التوحيد je te tue, ou bien si tu mets en application التوحيد je vais te frapper. Donc te frapper, comme on a dit, c'est pas un, c'est vraiment des frappes fortes, violentes, car une frappe petite frappe, la personne peut supporter cela. والسجن هل يعتبر من الإكراه؟ يقول العلماء إن كان السجن قليلا وأياما معدودة فلا يعذر الإنسان بذلك. Quand on l'emprisonnement, si c'est une petite durée supportable, la personne, ce n'est pas considéré comme une contrainte. Donc si je te dis, si tu ne mets pas en application التوحيد ou bien si tu insultes l'islam, je vais t'emprisonner une semaine. C'est dans la capacité de tout le monde. Donc il faut vraiment que ce soit une chose au-dessus de la capacité humaine. فأولاً طيب إذا هددك بشيء مثلا هددك بالضرب هل يعني يسمح لك أن تفعل ما أمرك به عند التهديد أو لا بد أن يمسك بشيء من العذاب يعني يشرع في ما في تهديده في تنفيذ تهديده. Donc est-ce que si la personne te menace donc de te frapper par exemple ou bien de te torturer, si tu ne refuses pas par exemple d'insulter l'islam, d'insulter Allah, d'insulter le Coran, est-ce que dès la menace tu peux mettre cela en application ou bien obéir, ou bien est-ce qu'il faut que la menace commence à être mise en pratique? جمهور العلماء يقولون أن التهديد كاف إذا هددك بشيء جاز لك أن يعني تمتثل ما أمرك به. Donc la majorité des savants ils disent que le simple fait qu'il te menace par la parole est suffisant pour que tu puisses donc obéir à ce dont il te demande de faire sous la menace. ومن العلماء منهم الإمام أحمد يقول أن لا بد أن يشرع في التهديد ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أنكر على بعض العلماء في زمانه عندما يعني أكره على القول بخلق القرآن يعني بدون عذاب ولا شيء يعني الكثير منهم استجاب لأمر الخليفة ويقول الإمام أحمد يستدلون بحديث عمار وعمار عذب وهؤلاء قيل لهم سوف نضربكم. Donc l'imam Ahmed rahimahullah il dit qu'il faut forcément que la personne commence à mettre en pratique, donc mettre en application sa menace. Il ne suffit pas que la personne menace par la parole. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah a blâmé certaines personnes qui ont répondu à ceux qui leur demandaient de dire que le Coran était créé. Donc à l'époque de l'imam Ahmed rahimahullah, il y a une grosse fitna où Al-Khalifa, à ce moment-là, qui faisait partie de Mu'tazila, demandait à tous les savants de l'époque de dire que le Coran était une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé le Coran. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas créé. Et beaucoup d'entre eux, donc, ont accepté de dire cela. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, les a blâmés en disant que ces gens-là prennent comme preuve hadith Ammar ibn Yasir, radiyallahu an. Un jour, il a été torturé à la Mecque et les mécréants de la Mecque lui disaient: si tu veux qu'on te laisse, insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu l'insultes, on te laisse. Et donc, sous la torture, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils l'ont laissé. Dès qu'ils l'ont laissé partir, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ce qui lui était arrivé. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment trouves-tu ton cœur ? Et après m'avoir insulté, comment ton cœur est-il ? قَالَ لَهُمْ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Mon cœur est apaisé par la foi, c'est-à-dire je n'éprouve aucune baisse de foi par rapport à ce que j'ai fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: فَإِنْ عَادُ فَعُدْ. S'il recommence à te torturer, recommence à appliquer cela, donc à mettre en pratique ce qu'il te demande de faire. Et l'imam Ahmed a dit que ces gens-là, ils citent comme preuve hadith Ammar. Ammar, il a subi la torture. Il a subi la torture. Quant à ces gens-là, il leur est seulement dit: nous allons vous frapper. Ithan al-ikra yaqa'u ala thalathati أشياء يقع يعني الإنسان يطلب منك أن تفعل ثلاثة أنواع من الأفعال. الفعل الأول أن يكرهك على قول، مثلا يقول لك سب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المشركون بعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فهذا يتصور أن يستجيب الإنسان بذلك، وإن بقي قلبه مطمئن بالإيمان فهو مؤمن ولا إشكال في ذلك. قد يقع الإكراه على العمل، فيطلب من الإنسان أن يسجد لغير الله تحت الإكراه وتحت التعذيب، أو أن يذبح لغير الله، فكذلك يتصور. أما الإكراه على عمل القلب فهذا لا يتصور. فمن أكره مثلا على بغض النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا غير ممكن. Donc la contrainte peut avoir lieu sur trois choses. Donc on peut imaginer cela sur trois choses. Deux sont possibles et la troisième est impossible. La première chose, c'est on te contraint de prononcer une parole de mécréance. Par exemple, insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, insulter Allah azza wa jalla. Celui qui fait ça sous la contrainte et dont le cœur donc est resté fidèle à la foi, donc il est considéré comme croyant, il n'y a aucun problème à cela. Pareil pour l'acte. Si on te contraint donc de te prosterner pour autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah, si tu fais cela par contrainte et que ton cœur est apaisé et fidèle à la foi, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne les actes du cœur, cela est impossible. Même par la plus grande des tortures, tu ne peux mécroire par le cœur. Je ne peux te torturer jusqu'à ce que tu détestes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tu détestes l'islam, car le dégoût, c'est une chose intérieure. Tu peux montrer cela extérieurement, en le prononçant par la parole, en faisant un acte prouvant cela, mais ton cœur doit rester apaisé par la foi et fidèle à la foi. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a dit illa man ukri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Donc là, en ce qui concerne la croyance du cœur, il n'y a aucune contrainte. C'est pour ça que l'auteur rahimahullah il nous dit amma 'aqidatu al-qalbi fala yukrahu 'alayha ahad. Quant à la croyance du cœur, nul ne peut y être contraint. قد أكملنا الحمد لله الكتاب والأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ كتابا جديدا وهو نظم البيقونية في مصطلح الحديث. Donc nous avons fini le livre كشف الشبهات والحمد لله. La semaine prochaine on commencera un nouveau livre qui est un poème appelé البيقونية dans la science du hadith, afin que donc on connaisse qu'est-ce qu'un hadith faible, un hadith authentique, un hadith hassan, un hadith moudou. Souvent les gens ils disent ce hadith il est faible, ils ne savent même pas ce que c'est un hadith faible. Ce hadith il est authentique sans savoir ce qu'est un hadith authentique. Donc on va essayer de voir quelques introductions de cette science qui est ilm mustalah al-hadith. Donc dès la semaine prochaine, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.